Ok, c'est le volume 5, Mexico Tep, c'est ici, tout ça vos crayons. Y'a pas de bon morceau sans de bonne promo. Luca, effet personnel 2015. C'est. Je peux pas dire ce qui me différencie des autres MC. Je sais que je crée mon rap, l'écrire dans l'excès, j'aime ça. Et même si j'en bave jusqu'à l'épilepsie, oui, oui, je suis un mec psychopathe. On ne tue pas la légende en mélangeant du Pepsi dans mon whisky. La vue du papier du crayon m'excite. La vue de mon blaze sur la Mexicotep. Je suis le bijou dans la cage, donc érige le totem. J'ai preuve d'égocentrisme, merde, tout ça me ressemble pas. Filez-moi un que ça, que je puisse me vomir et grand estomac. À n'en plus dormir, confond pas l'attente de victoire avec la recherche de gloire. Frère, tombe pas là-dedans, on se fait tout savoir. Sur chemin, tu risques de perdre quelques dents avant qu'on te perde dans quelques temps. Économise au lieu de consommer toute cette merde qu'elle te vend. Au loin qu'elle te vend. Je cherche pas la gloire, je ne veux pas la voir. Je ne veux pas la boire, je suis bien ou je suis moi. Je reste en bas, vas-y bouge, garde ton bras. J'ai pas besoin de ça, non, non, non, non, j'n'ai pas besoin de ça, hey. Je ne cherche pas la gloire, je ne veux pas la voir, je ne veux pas la boire. Je suis bien où je suis moi, je reste en bas. Vas-y bouge, garde ton bras, j'ai pas besoin de ça. Et entre vous et moi, je n'ai pas besoin de toi. Le rap j'en ai fait une affaire personnelle. Ça me libère, pose ma patte sur un putain de pot de miel. M'en bats les couilles des abeilles ouvrières, fiers de leur putain de label. Éphémère, effet de mode, effet de merde. On promet la gloire, moi je tourne le dos mec. Je me fais la belle, t'as ceux qui ont le concept du trou et ceux qui tiennent la pelle. En fait la scène est trop haute pour moi, j'ai le vertige, je te laisse la place. Si mal, vas-y taffe l'image. Nourris-toi d'un tas de mirages et peut-être ce sera le miracle. Si on te traite pas de pirate, sache que les jaloux pillent. Et la convoite autant que toi, moi je me contente de faire passer le message. Sans être vulgaire, je nique la gloire au passage. Mais que pas ça, je kiffais le rap d'avant. Mais celui d'aujourd'hui a son contenu tout juste passable. Sans fond, sans forme, ça devient limite. Je ne cherche pas la gloire, je ne veux pas la voir. Je ne veux pas la boire, je suis bien ou je suis moi. Je reste en bas, vas-y bouge, garde ton bras. J'ai pas besoin de ça, non, non, non, non, je n'ai pas besoin de ça, hey. Je ne cherche pas la gloire, je ne veux pas la voir, je ne veux pas la boire. Je suis bien où je suis moi, je reste en bas. Vas-y bouge, garde ton bras, j'ai pas besoin de ça. Et entre vous et moi, je n'ai pas besoin de toi. À faire tilter les gamins des bacs à sable. On veut m'en faire bouffer à toutes les sauces. Mais je persiste à lister mon billet d'absence sur la table. La gloire veut me rendre coupable. Et je n'en doute pas, sur la Mexicotep, dites-moi qui écoutera. Luca, rappeur sans but. Je ne recherche ni la gloire, je ne veux ni la voir, ni la boire. Moi je reste en bas, si, si.